Les petites histoires de Telmi. Des tentacules dans la maison. Eva ! On s'en va ! À ce soir ! Dans sa chambre, la fillette de 12 ans arrêta de dessiner et sortit sur le palier pour répondre à ses parents. D'accord, bon courage. On rentrera pas tard ! Oui, oui. Comme tous les jours, Eva entendit ses parents partir sans trop savoir quand ils allaient revenir. C'était un travail à plein temps que d'en chercher un. Elle se retrouva seule dans cette vieille maison qu'ils avaient obtenue pour une bouchée de pain et dont personne ne voulait plus. Les gens du coin disaient qu'elle était maudite, que des choses étranges s'y passaient. Eva détestait cette maison. Elle l'inquiétait. Pas à cause de la peinture craquelée ou des toiles d'araignée, mais à cause de ces bruits bizarres qui lui donnaient l'impression que quelqu'un se déplaçait dans la maison. Et puis, elle avait aussi la désagréable sensation d'être épiée. Mais elle n'avait jamais rien dit pour que ses parents ne se fassent pas de soucis. En passant devant des cartons à peine déballés, Eva retourna dans sa chambre pour reprendre son dessin. En franchissant la porte, elle s'arrêta net. Elle avait vu une ombre passer sous le lit. Elle resta figée sur le pas de la porte à observer la pièce. Et là, stupeur. C'est pas possible ! Où sont passés mes crayons ? La fillette fouilla sa chambre, mais au moment de regarder sous son lit, elle eut un instant d'hésitation. Et s'il y avait un monstre là-dessous ? Elle avait vu quelque chose s'y cacher, mais elle avait besoin de son matériel de dessin. Elle rassembla tout son courage et alors qu'elle se penchait, hurla. Quelque chose de mou et de gluant lui fila entre les jambes. Elle se retourna brusquement et vit une ombre sortir de sa chambre avec ses crayons. Hé, toi ! Rends-moi mes affaires ! Elle se lança à sa poursuite, mais la chose était plus rapide et tourna brusquement au bout du couloir. Eva savait que cela menait à un cagibi toujours fermé à clé. Elle déboula à son tour dans le cul-de-sac. Et là, rien. Mais c'est pas vrai ! Il est passé où ? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? La jeune fille remarqua une trappe située au niveau du plafond. Elle alla chercher une échelle, la posa contre le mur et y grimpa. Lentement, Eva souleva la trappe et passa sa tête par l'ouverture. Elle n'y voyait pas grand-chose. Soudain, quelque chose fonça droit sur elle, la gueule grande ouverte. Surprise, Eva tomba en arrière. Étalée sur le sol, elle vit une chauve-souris virevolter dans le couloir avant de retourner dans le grenier. Non mais ça va pas d'attaquer les gens comme ça ! Déterminée à découvrir ce qui se cachait là-haut, Eva alla chercher la lampe torche de son père. Elle remonta dans le grenier et balaya la pièce à l'aide de sa lampe. Avec le faisceau, elle suivit la chauve-souris qui alla se poser sur ce qui semblait être une armoire. Mais une armoire vraiment bizarre. Une armoire de plus de 2 mètres de haut, complètement biscornue, qui bougeait légèrement comme si elle respirait. D'un coup, l'armoire ouvrit 2 immenses yeux jaunes. Eva hurla, terrorisée, si fort qu'elle bascula une nouvelle fois dans le vide. Mais quelque chose l'attrapa au vol et la remonta dans le grenier avant de la poser délicatement sur le plancher. Il s'agissait d'un tentacule. Un tentacule géant, de plusieurs mètres de long, légèrement gluant, qui provenait de l'armoire aux yeux jaunes. D'une main tremblante, Eva dirigea sa lampe vers le monstre qu'il observait toujours. Ce n'était pas une armoire mutante, mais une sorte de pieuvre immense qui, avec ses tentacules, occupait presque tout le fond du grenier. Eva était partagée entre l'envie de fuir et celle de s'approcher de la créature. La curiosité l'emporta. Prudemment, elle s'approcha du monstre qui se blottit contre l'un des murs. « T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. » Le monstre ne broncha pas. Lentement, Eva arriva à sa hauteur et tendit la main. La créature s'approcha. Par réflexe, Eva eut un mouvement de recul avant de s'approcher à nouveau. « Tout va bien. Approche. » Lentement, le monstre avança l'un de ses tentacules et toucha avec précaution la main d'Eva. « Berk, c'est dégueu ce truc !» Tout en essuyant sa main contre son pantalon, Eva regarda le sol. Elle remarqua alors l'un de ses crayons, puis un autre, et encore un autre. En les suivant avec sa lampe, elle éclaira l'un des murs du grenier. Elle fut alors bouche bée. Partout figuraient des dessins magnifiques, des peintures incroyables et des fresques splendides. Ils représentaient des personnages amusants, des paysages fabuleux ou des animaux fantastiques. Les ombres et les effets de perspective étaient si réalistes qu'on aurait juré que les occupants de ces œuvres allaient se mettre à bouger. « J'y crois pas ! C'est toi qui as fait ça ?» La créature se munit alors de plusieurs crayons et, à grand renfort de grommellements bizarres, agita ses tentacules pour dessiner quelque chose sur un bout de feuille qui traînait là. Une fois terminé, elle poussa le dessin vers Eva. La pieuvre s'était représentée devant un chevalet avec une palette de peinture et un béret d'artiste sur le haut du crâne. « Mais c'est génial ! Et je comprends mieux pourquoi t'avais besoin de mes crayons !» La créature fixa le sol, comme un enfant venant de se faire gronder. « T'inquiète pas, tu peux les garder. » Eva la considéra un moment. « Dis, tu peux aller n'importe où dans la maison avec tes tentacules ?» En guise de réponse, La pieuvre se dessina, déployant ses tentacules dans toute la maison. Top ! Ça te dirait de m'aider ? Quelques heures plus tard, les parents d'Eva rentrèrent. En franchissant la porte, ils furent abasourdis. Le salon avait complètement changé. Les murs étaient repeints avec des couleurs claires, les vieux cadres remplacés par des dessins magnifiques, les anciens meubles astiqués, les cartons déballés. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Mais Eva, c'est toi qui as fait ça ?» Eva descendit les escaliers pour les rejoindre. « Oui, je me suis dit qu'il était temps qu'on se sente bien chez nous, non ?» C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Thomas Le Petit Corps, racontée par Alice Fraboulet et Arnaud Guillot. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine.